On va parler de patinage de vitesse sur courte piste. C'est l'épreuve reine en fin de semaine. Tous les athlètes travaillent pour arriver. C'est comme leur examen de finale. Et on en parle avec François-Olivier Roberge. Salut François. Salut, salut. C'est le championnat du monde de patinage de vitesse sur courte piste qui se déroule aux Pays-Bas, à Rotterdam. En fait, j'ai donné des résultats préliminaires ce matin. J'avais dans le cadre du bulletin de sport, j'avais au 1500 mètres Marianne deuxième et Charles Hamelin était troisième également au 1500 mètres, mais c'était fragmentaire, là. T'as-tu d'autres Ouais, mais c'est résultats? juste, c'est juste les qualifications. Donc l'important, c'est de se qualifier, pour passer à la ronde suivante. Puis Ouais. tous les Canadiens sont qualifiés pour la ronde suivante. Là, il y a tout est bien passé, là, tout s'est bien déroulé. Fait que aucun s'est accroché, rien. Là, tout le monde passe. Ok, Cassandra, évidemment, Cassandra, même Cassandra Wanda, t'as passé? Non, Cassandra puis Valérie sont réservistes. Ah, ok. Donc, sont là pour le. Ben, en fait, je dis réservistes du côté individuel, mais sont là pour leur relais par équipe. Donc, les trois filles qui font les individuels, c'est Marianne Saint-Gelais, Marie-Ève Drolet, puis Kim Boutin. Ok. Les deux autres filles sont là pour leur relais. Donc, elles vont faire les rondes de qualification demi-finale au relais. À quoi s'attendre en fin de semaine? J'imagine que là, le Canada. Moi, je m'attends au moins une médaille de Marianne à quelque part. Ouais, ben Marianne puis Charles visent très très gros là. En fait, les deux visent d'être champions du monde, puis pas sur une distance. Ben oui, si ça arrive sur une distance, tant mieux là. Mais ce qu'ils visent, c'est vraiment le cumulatif du championnat. C'est un titre qui échappe. C'est le seul titre qui échappe à Charles Hamelin. En fait, il a jamais gagné ce titre-là. Il était champion du monde sur plusieurs distances, mais jamais au cumulatif. Puis même chose pour Marianne. Donc c'est ça qu'ils visent. C'est un gros titre là, parce qu'il faut être constant tout le long de la compétition là. 500, 1000, 1500, puis à la super finale du 3000 mètres. Donc si on fait une erreur en quart de finale dans une distance, ou tu sais, ça devient très difficile ensuite d'avoir les points suffisants pour être champion du monde. Donc Charles, c'est ce qu'il dit. Dans le passé, il approchait la compétition différemment, peut-être un peu trop agressif, là. Il voulait comme être tout de suite bon dans chaque course, là. Tandis que là, son but, ça va être vraiment la constance. Fait que ce qu'il a passé, c'est arrivé la première course, là. Il n'y avait pas passé, là. Il s'était pas rendu en finale, puis ça y avait coûté cher, tout ça. Donc cette année, c'est ça qu'il vise. Puis même chose pour Marianne, là. Donc ça va être intéressant. Puis le reste de l'équipe va être à surveiller aussi, là, parce qu'on a des patineurs qui sont tous capables de faire des podiums là, dans toutes les distances. Ah oui, et ça pourrait venir de où la menace là? Ben là, chez les gars, à surveiller, il y a l'Hollandais Niet qui est chez eux. Donc c'est sûr qu'il va être bon. Il y a toujours les Chinois et les Coréens. Chez Ouais. les filles, il y a les Coréennes, Choi, puis Suki. Il y a la Néerlandaise aussi qui est chez elle, Schulting. Donc, tu sais, c'est toujours un peu les mêmes, mais honnêtement, la grosse menace, ben comme Marianne l'an passé avec Choi, c'était hyper serré pour le classement final. Là. Marianne avait fini deuxième à, je pense, 3 points en arrière de Choi, là, ce qui arrive jamais, là. C'est vraiment, vraiment serré, là. Okay. Donc, c'est sûr que ça va être à surveiller. Mais la menace aussi vient de nos patineurs, là. C'est la constance, puis c'est pas de s'emballer, puis c'est Ouais. de se faire confiance, là. Ça va être ça le gros défi en fin de semaine. Mais ils ont une bonne saison quand même derrière eux pour avoir la confiance nécessaire, justement. OK. On va voir par contre que les pays s'améliorent d'année en année, hein. Tu Comme cette sais, année, il y a un Hongrois, chez les gars, j'ai dit l'Hollandais, mais il y a aussi un Hongrois qui est super bon. Kazakhstan s'en vient, l'Italie, les États-Unis, Bélarus même, la Grande-Bretagne. Il y a plusieurs pays, puis ça, c'est bon pour le court-piste, parce que par le passé, on entendait souvent que c'était juste une histoire de quelques pays, là, les Chinois, les Japonais, les Coréens, le Canada. Là, ça se démocratise beaucoup, le patinage de vitesse courte-piste, puis c'est une très bonne nouvelle pour le sport. Ben, effectivement. Donc, François, on se reparle lundi pour analyser tout ça. Certainement, puis vous pouvez regarder, Oui, c'est ça va ça, être je partais pour dire. comme on disait, Radio-Canada Sport est supposé web diffuser. Puis sinon, sur le site directement de isu.org, il y a le Speed Skating Channel. Donc, est-ce que c'est gratuit, ce Speed Channel? Oui, c'est gratuit. Oui, oui, oui. OK, ouais. Donc actuellement... J'ai allé sur Radio-Canada Sport en fin de semaine parce que, justement, si on veut que nos diffuseurs embarquent là, dans le sport olympique, faut qu'on les regarde puis il faut qu'on leur prouve que ça nous intéresse. Ce serait leur mandat. Hein? Moi, à quelque part, CBC le fait. Les coupures, il y a eu des coupures qui a fait en sorte que Radio-Canada du côté francophone ont abandonné un petit peu le sport olympique au cours des dernières années. Là, c'est temps d'en revenir. Puis les sorties de Jean-Luc Brassard, quelque part, là, c'est ouais, mais moi, je pense que c'était le plan. Hein. Je pense que Radio-Canada, avec les Jeux de Sochi, avait mis une plateforme web vraiment fantastique où on pouvait regarder toutes les épreuves. On n'était plus pognés devant notre télé à attendre qu'ils nous diffusent. On pouvait voir toutes les épreuves en direct. Puis moi, je pense que c'était le plan. Et avec les coupures qu'il y a eu, les coupures budgétaires, coupures dans les postes au sport, finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Mm. Mais là, il y a la sortie de Jean-Luc, mais il y en a, c'est comme là, on a vu les boss en direct cette semaine, on voit le patinage de vitesse, il va en avoir d'autres. Puis espérons que c'est le début, puis que justement, là, comme là, les boss, ils étaient sur Radio-Canada Sport, mais ils l'ont mis aussi sur Facebook Live, puis c'est un détail, mais... Tu sais, les gens, ils sont intéressés, mais des fois, ils se lèvent le matin, puis les compétitions commencent à 6h30, ils n'auront pas le réflexe d'aller sur Radio Sport, là. Et si c'est en direct sur Facebook, ils vont le voir passer, puis là, ils vont prendre l'habitude, puis je pense vraiment que c'est important de le faire, là, que les diffuseurs le fassent, puis qu'ils vont voir là, que les gens vont se mettre à triper, puis là, justement, il y avait Jean-Luc Brassard qui commentait, c'était hyper bon. Hein. Ouais. Je vais lui parler à Jean-Luc, j'ai hâte au cours des prochaines semaines, parce que c'est trop bon sa sortie. Je suis d'accord avec lui, mais on revient toujours à l'éternel débat. Hein. L'éternel débat, est-ce que c'est populaire? Est-ce que c'est assez populaire pour les médias? Moi, je pense que quelque part, il y a un mélange des deux. Ouais. Les gens ne s'intéressent pas assez. Les diffuseurs ne s'intéressent pas assez, mais les fédérations aussi qui ont une job à faire. Les fédérations là, qui chargent des gros prix, là, c'est peut-être, il y a peut-être ce côté-là aussi à travailler. Là. Mais je suis d'accord avec Jean-Luc. Là. Les médias aussi. Je constate qu'il faut qu'on les voit, nos athlètes, pour qu'on se mette à les aimer, qu'on les suive. Tu sais, aux États-Unis, là, les qualifications pour les Olympiques, c'est un exemple, là, mais les essais olympiques sont en direct sur NBC. Aux heures de grande écoute. Exact. Là, le monde dit, ben oui, mais c'est parce que c'est des vedettes, les athlètes. Ben oui, mais c'est des vedettes parce qu'on les voit. Tu sais, c'est comme c'est le cycle un peu, là. Je veux dire, c'est comme ça que ça marche. Ben là, on a des vedettes, puis ça fonctionne quand on les voit, mais on pourrait en avoir bien plus que ça. Kingsbury, Charles Hamelin, OK, mais il peut en avoir bien plus que ça. Ouais. On s'en reparle lundi, François. Parfait. À lundi, bon week-end. François-Olivier Robert, je passe à la vitesse sur Côte-Abbé.